à l'occasion de la 5e édition du tremplin musical Ariégeois Festivar qui avait lieu cette année à Lavelanet. J'ai rencontré les trois finalistes, la famille Arbossens, Serge Ménard et la gagnante de cette édition 2007, Colline Malice. J'ai pu aussi avoir la chance d'interviewer la gagnante de l'édition 2006, la chanteuse Thérèse. Moi sans permis, on ira faire le tour du monde. On ira voir d'autres pays au son d'une guitare furibonde, de percussions, de chaudes voix, braillant sans cesse sur tous les toits. La joie de vivre, le cœur léger, près des fous rires et loin des regrets. Nous sommes au tremplin musical Ariégeois Festivar 2007 accompagné de la famille Arbossens. Donc vous êtes trois. Bonjour à vous trois. Bonjour. Tu t'appelles comment? tu vas nous chanter, Adrien Arbossens. Moi c'est Peter Arbossens. Et Dimitri Arbossens. Alors est-ce que c'est votre première participation à Festivar? Ah oui, à Festivar, oui. Donc vous venez d'où? Qu'est-ce que vous faites comme musique? On vient de Toulouse, une petite région. On vient de Toulouse. On fait de la chanson française et bon, c'est axé sur des chansons qui parlent un peu du voyage. Un peu avec des rythmes un peu espagnol, aussi breton, manouche, et la chanson typique française aussi. Alors je vois que vous avez une guitare, un djembé, une contrebasse. Oh, il y a beaucoup d'autres choses encore. On peut rajouter un piano, une batterie, un balafon, un accordéon, un mélodica, un piano à pouce. Un piano à pouce. Un piano à pouce, oui, ça existe. C'est-à-dire on joue avec les pouces. Ouais. Exactement, c'est comme un piano, mais avec les pouces. Comment êtes-vous entré dans le milieu de la musique? En fait, c'est depuis tout petit. On se connaît, c'est pour ça qu'on fait un esprit famille aussi. Hein. On est tous de la même famille, etc. Donc en fait, ça fait pas loin de 10 ans qu'on joue ensemble. Donc c'est comme ça que c'est parti, quoi. À la base, pour s'amuser, et puis là, un peu plus, quoi, déjà maintenant. On a vu que ça plaisait à la famille, on s'est dit peut-être que ça me plaira aux autres. Est-ce que vous avez déjà un album, un single, ou est-ce que c'est peut-être en prévision? Alors on a déjà sorti un premier CD en décembre dernier, qui s'appelle Tôt ou tard, qui est en vente sur le site internet d'ailleurs, de la famille Arbossens. C'est un CD 12 titres, très bien fait, super. Un deuxième est en préparation. Il est pour quand? Pas avant la fin de l'année. Hein. Un titre? Un titre pour l'album. Celui-là s'appelle Tôt ou tard. L'album déjà disponible et le prochain, c'est encore en discussion. Après ce tremplin, comment vous voyez votre avenir? L'Olympia, le Stade de France, Wembley. Oui, des petites salles, des petites scènes, quoi. C'est ce qu'il nous faut à nous, parce que nous, on est assez intimistes en fait dans nos chansons, donc c'est ce qu'il nous faut. Donc voilà, ce sera très bien. À propos de Festivar, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un bon tremplin musical? Est-ce que ça répond à vos attentes? Alors, la qualité du son est très, très, très, très excellente, même. Jaco. Donc, Jaco, son excellent. Jaco. Excellent travail. Donc, c'est très agréable de jouer ici. La voix est bien mise en valeur. Bon, c'est Festival de Chanson Française, donc c'est important. Et le cadre aussi est sympa. Bon, moi, en gros, j'ai fini. Si vous avez quelque chose à rajouter, Venez à la Lavelanet ce soir. Enfin, ça sera diffusé après, mais bon, il faudra venir au prochain Festivar, quoi. Vous avez peut-être un site internet, MySpace? Ouais, un site internet, la famille Arbossens, Arbossens, A-R-B-O-2-S-E-N-S. .com. Ça se trouve sur Google, donc c'est vraiment très facile d'accès. Oui, un célèbre moteur de recherche. Il ne faut pas le lire, pardon. La famille Arbossens, merci d'avoir répondu à ces quelques questions, et à très bientôt, j'espère. À bientôt. Merci, au revoir. On espère aussi. Quand on lui dit voici le la, l'ami Rémi fut effaré et s'écria ça m'étonnerait, car là c'est ainsi que voilà. Carla, la dorée de Rémi, lui dit arrête ta chanson. Et si c'était un là ce son? Si c'était un là que voici, est-ce un là que ceci? Est-ce ainsi que voilà? Si ce son est un là, c'est un là, c'est ainsi. Permets que je mette un bémol, sans critiquer bien entendu, ta fameuse oreille absolue. Donc nous sommes au tremplin musical Ariégeois Festival 2007 en compagnie de Serge Ménard. Serge Ménard, bonjour. Bonjour. Alors c'est votre première participation ? Tout à fait, c'est la première fois que je viens à ce beau festival. Dites-nous tout, vous venez d'où ? Qu'est-ce que vous faites comme style de musique ? Alors je viens de la région nantaise, d'une ville qui s'appelle Pornic sur la côte Atlantique. Et ben, moi je participe au festival en tant qu'auteur, compositeur, interprète, comme tous les participants d'ailleurs. Et on va dire que mon style musical, c'est chanson française, qui est de toute façon le style adopté par ce festival. Et je fais de la chanson, on va dire de la chanson à texte, bien que ce terme puisse prêter à de très larges discussions. Vous êtes entré dans le milieu de la musique comment ? Alors, moi j'ai une formation classique au départ, mais pas du tout dans la chanson. Hein. Je joue, mon instrument de prédilection, c'est le cor d'harmonie, voyez-vous ? Et je me suis mis à la chanson par le biais, on va dire, de Georges Brassens, pour faire court, puisque j'ai découvert ce grand auteur-compositeur il y a déjà un petit moment. Et puis j'ai eu l'occasion de monter un groupe avec des amis, un trio, et nous avons fait monter un spectacle autour des chansons de Georges Brassens, qui a tourné pas mal, qui continue à tourner d'ailleurs, qui s'appelle Les Passants. Et puis parallèlement, je me suis mis à écrire mes propres chansons, mes propres compositions, et puis voilà comment je me retrouve là. Donc c'est ce que j'allais vous demander, c'est la question suivante, vos textes, les musiques, c'est entièrement de vous. Ah tout à fait, tout à fait. D'ailleurs c'est le règlement entre guillemets du festival, hein. on n'a pas droit à faire des reprises. Est-ce que vous avez déjà des albums, des singles, ou est-ce que peut-être c'est en préparation ? Non, j'ai un album en préparation, mais en tout début de préparation, on va dire. J'ai simplement fait une petite maquette, une petite démo avec les moyens du bord. La sortie de cet album, vous avez une date prévue ou... Non, il n'y a pas de date prévue aujourd'hui, je pense que ça va se situer dans le courant de l'année 2008. Ce tremplin musical Festivar, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ça répond à toutes vos attentes ? Alors, tout à fait, moi je n'ai pas fait beaucoup de tremplins. Il m'est arrivé d'en faire un assez récemment à Tarbes, qui n'avait pas du tout la même optique, la même ambiance. Là, ce que j'apprécie beaucoup, c'est la convivialité de la chose, et puis le fait qu'on ait une bonne demi-heure pour s'exprimer, c'est-à-dire chanter plusieurs chansons et montrer peut-être plusieurs facettes de ce qu'on fait. Et ça, je trouve que c'est très bien par rapport à d'autres tremplins où on est jugé, qui ressemble plus à des castings, on va dire. On est jugé sur une chanson, deux chansons, et là, c'est très très difficile et ça devient très subjectif. Là, on a quand même plus, me semble-t-il, l'occasion de s'exprimer pleinement et d'être jugé, entre guillemets, sur notre valeur réelle. Mais moi, j'ai pas d'autres questions. Alors, si vous avez quelque chose à ajouter, vous êtes libre d'ajouter ce que vous voulez. Eh bien, c'est très gentil. Je voulais simplement ajouter que, déjà, j'ai été assez surpris d'être sélectionné au festival et encore plus surpris d'accéder à la finale. J'en suis content parce que je crois que le festival, par rapport, encore une fois, à d'autres manifestations de ce type-là, axe beaucoup les choses sur la qualité du texte des chansons, et ça me va plutôt bien. Pour finir, est-ce que vous avez un site internet où on peut visiter votre page pour vous connaître ou écouter peut-être un morceau en ligne ? Malheureusement, je ne suis pas encore équipé de ce type d'outils, mais j'y pense très fortement et je pense que je vais m'y mettre très vite parce que ça me paraît être un moyen extrêmement efficace de se faire connaître. Et justement, la table ronde à laquelle je viens de participer là, sur le thème artiste et médias l'a encore montré, donc je vais m'y mettre, c'est promis. Bien, merci d'avoir répondu à ces quelques questions et bien, à très bientôt, j'espère. Merci, à bientôt. Les volcans, tous écoutent les vents, je les choisis comme ils. ont poussé la paix qui se loge tout là-haut, près des puits sur les dos de cette nature en vrai. Du haut de ces collines, le froid est bien moins froid que dans mon pays froid où souvent ça pleuvine, où souvent ça pleuvine. C'est mon pays tranquille où se calment les volcans, d'où s'écoutent les vents, je les choisis comme ils. Donc nous sommes toujours au tremplin musical ariégeois Festivar 2007 en compagnie de Colline, Colline Malice. Oui. Alors Colline, bonjour. Bonsoir. Oui. C'est votre première participation au festival? Oui, tout à fait. Vous venez d'où? Alors, initialement, je viens de Bruxelles. Je suis belge, comme les pianistes qui m'accompagnent. On est de Bruxelles tous les deux. Il se fait que je vis à moitié sur l'Auvergne aussi, à Clermont-Ferrand. Voilà. Votre style musical, comment vous le définiriez? Alors, mon style musical, ouf, ça, c'est une question difficile. Moi, je sais pas, musicalement, ça va, c'est emprunt sans doute de plein de choses différentes. Le piano, la touche piano, je pense qu'on s'inscrit un peu dans la, on va dire, dans la chanson réaliste, peut-être piano, piano, accordéon, voix. Voilà, et puis je pense qu'on fait de la chanson de parole, pour reprendre le nom du festival qui a lieu à Barjac. Voilà. Comment êtes-vous arrivée dans le milieu de la musique ? Eh bien, comment est-ce que je suis arrivée dans le milieu de la musique ? Eh bien, je suis née dedans, je pense. non, mais c'est vrai, ma maman faisait pas mal de piano. Bon, elle est institutrice, mais... Puis mon père faisait de l'accordéon, travaillait au conservatoire de Lyon, donc je pense que j'ai toujours eu ça dans mes oreilles, quoi. Même si on m'a pas forcé à faire de la musique très tôt, mais ça a toujours fait partie de mon univers. Même petite, on écoutait beaucoup de chansons à la maison, tout ça. Vos textes, votre musique, c'est vous qui les créez ou vous avez des compositeurs pour vous? Alors, je compose, j'écris moi-même, mais c'est vrai que quand je suis paresseuse, et je le suis de plus en plus, c'est Antoine Quinet qui est juste à côté de moi, qui est donc le pianiste et le compositeur qui m'accompagne. Antoine, bonjour. Bonjour. Alors, c'est toi qui composes quand elle est paresseuse, donc les musiques? Et comme elle aime à le dire, elle l'est de plus en plus souvent. Mais effectivement, je compose beaucoup de musique. Moi, je fais de la musique depuis tout petit. Et donc, on a deux manières de travailler, en fait. Il y a parfois, elle fait un texte et puis moi, j'ai une musique et puis on les colle ensemble. Et puis, à l'occasion, on fait les deux en même temps. Et puis, c'est vrai que quand même, pour une bonne part des musiques, c'est elle qui les compose. Est-ce que vous avez donc tous les deux déjà un album, des singles de sortie ou à venir? Alors on est en préparation d'un album qui devrait sortir fin de l'année, voilà, qu'on fait de manière artisanale chez nous dans notre petit studio. Et puis voilà, puis on espère que on l'enverra à droite à gauche, on espère qu'il ait des suites peut-être un peu plus importantes que notre petite production modeste. Un titre pour l'album peut-être, en exclusivité? Oui, tout à fait, ouais, ça sera L'Envol, voilà. D'accord, donc à noter. Colline Malice, L'Envol. Que pensez-vous donc du tremplin musical Festivar? Est-ce que ça répond à vos attentes? Ah oui, tout à fait. On est charmé par l'atmosphère qu'il y a ici, l'accueil. Les bénévoles sont d'une gentillesse, d'une générosité, d'une écoute. C'est vraiment agréable. C'est pas le cas de tous les festivals, de tous les concours. Il y a vraiment quelque chose à dimension humaine qui fait du bien et... qui permet les rencontres, qui permet l'enrichissement et qui vaut la peine qu'on se déplace. Si on veut vous écouter, est-ce qu'il y a un petit site internet peut-être? Et puis et surtout il y a le MySpace, donc c'est myspace.com/Colline Malice et il y a collinemalice.com où il y a moyen de m'écouter, voilà. J'ai fini mes questions, si vous avez quelque chose à rajouter. Eh bien moi j'ai fini mes réponses dans ce cas. Donc Colline Malice, merci d'avoir répondu à ces quelques questions et à très bientôt j'espère. Merci beaucoup, bonne fin de soirée. Comme une gonzesse, avec mes faux complexes énormes, je m'habille en 38. Attends, t'as pas vu ma cellulite? Je serai un peu poufière, je porterai des tailles basses en disant d'un air digne. J'espère qu'on voit pas trop mon string. Et le soir, j'irai passer des soirées entre copines à comparer nos poitrines et nos tailles de jeans. Je serais une petite minette qui passe la main dans ses cheveux en penchant un peu la tête pour allumer ton amoureux. Je ferais des petits caprices et je me plaindrais tout le temps. Je serais manipulatrice, t'es une amie, je t'adore sincèrement. Et le soir on rigolerait dans les soirées entre copines en se racontant les derniers potins des magazines. Entre copines, j'irai avec ma mère faire les soldes d'hiver, pousser les poufs sans état d'âme dans les rayons des tames. Je serai Barbie Girl avec de la peinture sur la gueule et puis je roulerai du cul au cas où on l'aurait pas vu. Alors Thérèse, bonjour, vous avez accepté de répondre à nos quelques questions à l'occasion du tremplin musical Ariégeois Festival 2007 qui a lieu cette année à Lavelanet. Tremplin que vous avez gagné, je le rappelle, lors de l'édition 2006. Tout d'abord, pourriez-vous vous présenter pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore? Bonjour, je m'appelle Thérèse et j'écris des chansons. Et je les chante, je viens de Nantes. Je suis contente. Tu es contente, Thérèse? Oui, je suis contente parce que je fais ce que j'aime. Donc, en parlant de tes chansons, quel est ton style musical? Comment pourrais-tu le décrire? En fait, c'est des chansons avec des paroles et puis de la musique. C'est de la chanson à texte, en fait. Pour l'instant, je suis toute seule sur scène avec une guitare classique et ma voix. Je fais des petits trucs avec des archers, avec des petits tapés et tout ça. Je chante mes chansons. C'est de la chanson à texte, je pense qu'on peut dire ça. Est-ce que c'est toi qui écris tes chansons? Est-ce que la musique est de toi? J'écris tous mes textes. Certaines musiques, en fait très peu. La musique de Claire de Latune n'est pas de moi, elle est d'Anthony Gorius. Quand une musique n'est pas de moi, j'essaie de le dire quand même sur les concerts. Il y a cette chanson-là. Et puis la moitié d'une autre chanson, une musique que j'ai coécrite aussi. Mais bon, globalement, les chansons sont de moi, ouais. Comment as-tu débuté dans le milieu de la musique? Eh bien, j'ai commencé en allant jouer dans la rue. Après, j'ai été jouer mes chansons dans les bars. Après, j'ai rencontré une association à Saint-Nazaire qui s'appelle les Martins Pêcheurs. J'ai rencontré donc Jérémy Gabart, le directeur artistique, qui m'a proposé de m'aider. Donc, je suis rentrée dans ce catalogue-là. Pendant un an, ils m'ont fait faire mes premières scènes, mes premières vraies scènes et tout ça. Donc, j'ai été très vite entourée de professionnels, en fait. Ça a permis pour moi d'avancer... peut-être plus vite ou je sais pas, en tout cas d'avoir du vrai conseil à côté. Et depuis 2 ans là, j'ai quitté cette association et je travaille avec le Sablier Tour à Rennes, qui est une association qui fait du tour, et donc mon manager qui est là, qui s'appelle Bruno, et voilà, qui continue à, voilà, qui s'occupe de mon projet. On s'occupe de mon projet ensemble. Moi, j'aime la scène, j'aime les concerts, j'ai envie de jouer, donc c'est l'objectif pour l'instant du projet, c'est de jouer le maximum et d'essayer, j'espère un jour, de gagner ma vie complètement avec ça. Vous avez 2 albums à votre actif, Libérer les marionnettes qui est sorti en 2005 et Thérèse en concert qui est sorti en juin 2007. Le premier est en rupture de stock. Thérèse, es-tu contente? Qu'il soit en rupture de stock, d'une certaine manière oui, ça veut dire qu'on a tout vendu. Après, ça a été un choix délibéré de ne pas en faire retirer pour l'instant, puisque j'estime que c'est un album obsolète et je me rends compte que c'est peut-être une erreur dans le sens où beaucoup de gens en fait me le demandent, m'envoient des mails pour me le demander, donc on risque de le ressortir. J'attends que le deuxième soit en rupture de stock et je ressors les 2, d'accord? D'accord. Et à part ces 2 albums, est-ce qu'il y en a un autre ou à venir ou un single? À l'automne 2008, j'aimerais bien. Vous avez tourné un clip pour le titre Entre copines, que l'on peut visionner sur internet, sur votre site internet qu'on donnera après. Et il y a d'ailleurs un clip amateur qui a été fait par des jeunes filles. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous êtes d'accord qu'elles aient repris votre chanson pour faire un clip personnel? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est une amie à moi qui m'a dit « Oh, va voir sur YouTube, il y a ton clip qui a été refait, quoi. » Donc elles ont refait des images sur la chanson. Moi, j'ai trouvé ça très drôle, j'étais très touchée même. On a essayé de les contacter, pour l'instant, on n'arrive pas à les contacter pour les inviter à venir à un concert ou je sais pas, pour les rencontrer. Moi, j'ai trouvé ça chouette, j'ai trouvé ça très drôle. Et puis leur clip est très bien fait, c'est presque gênant. Je dirais pas qu'il est mieux fait que le mien, parce que je respecte la personne qui a fait mon clip et le mien est très bien. Mais c'est, non, j'ai trouvé ça très drôle et très touchant, et puis ça me pose aucun problème, au contraire, quoi. Thérèse, tu es artiste autoproduit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les auditeurs qui ne savent pas? Autoproduit, ça veut dire tout simplement que je n'ai pas de maison de disque, donc que je gère la production de mes albums toute seule. c'est presque du commerce équitable. En fait, c'est du commerce équitable, c'est-à-dire que c'est moi qui avance l'argent et qui m'occupe de la gestion de ce projet, d'un projet d'album. Et du coup, l'argent me revient, il n'y a pas d'intermédiaire. Si demain, Universal ou Sony BMG, par exemple, vous disent « Thérèse, on te signe », est-ce que tu fonces tête baissée ou est-ce que tu restes artiste autoproduit ? Je prendrai rendez-vous avec eux pour discuter et voir ce qu'ils peuvent proposer. Mais je suis pas prête à faire trop de concessions, donc si on arrive à se mettre d'accord, pourquoi pas, parce que c'est quand même y a quand même un certain confort à un moment à avoir une maison de disques, pouvoir travailler dans des bonnes conditions s'ils sont d'accord pour prendre des risques et mettre un certain budget, et même si ceux qui ont la production derrière, ça peut être quelque chose de très confortable pour travailler dans des meilleures conditions, avoir plus de temps et plus d'argent. Je pense que c'est aussi des histoires de rencontres, si je rencontre quelqu'un qui croit au projet, mais j'espère que j'aurai la tête assez dure pour pas faire trop de concessions et pas me rendre objet, quoi, et garder mon humanité et puis la liberté que j'ai toujours eue jusqu'à maintenant. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que c'est pas difficile de vivre en tant qu'artiste autoproduit ? Écoute, moi ça se passe plutôt bien parce que justement je suis producteur de mes albums, donc moi-même, si c'est, après c'est compliqué, hein, c'est des associations qu'on crée qui gèrent ça, l'argent va sur des comptes d'associations qui repart pour le, tu vois, qui est réservé pour l'album suivant. Par contre, on touche quand même de la SACEM, et puis moi j'ai la chance d'être intermittente du spectacle parce que je suis technicienne du son à côté, donc pour l'instant j'ai pas eu de problème pour gagner ma vie. Après c'est sûr que ce qui se passe quand on fait de la musique, c'est qu'à un moment tu signes un contrat avec une boîte de tour qui t'assure tes dates, en fait, pour avoir l'intermittence. Et effectivement, je me dis parfois ça doit être très confortable, mais en même temps, bah, tu t'es plus maître des plans concerts que tu veux faire ou pas faire, quoi. C'est plus forcément toi qui choisis. J'ai pas mal de chance pour gagner ma vie avec ça parce que j'ai un autre métier qui dépend aussi du statut d'intermittent du spectacle. En gros, c'est ça la réponse. Alors pour finir l'interview, je te fais une interview à thème puisque c'est la mode. Donc c'est la mode, je suis obligé de le faire. C'est une interview, une chanson qui... Il faudrait que tu me dises une chanson qui fait rire. Une chanson qui fait rire, Nicolas Jules, la mort, une sale odeur. C'est pour ça qu'on y met des fleurs. Une chanson qui fait bouger les pieds. Une chanson qui fait bouger des pieds, La rue qui est à nous, Les hommes que j'aime. Une chanson qui énerve, mais on ne sait pas pourquoi. Souvent les chansons qui énervent, quand c'est pas pourquoi, c'est parce que quelque part on doit se reconnaître dedans. Il y en a beaucoup. Une chanson qui énerve, mais on sait pourquoi. Souvent c'est parce que c'est vraiment de la merde et on comprend pas. Une chanson qui donne des frissons. Ah, y en a tellement. Alors là, une chanson qui donne des frissons. Caresse-moi, Yves Jamais. Une chanson pour faire le ménage. Je fais pas le ménage. Une chanson pour faire l'amour ? Oh non, je mets jamais de musique quand je fais l'amour. Une chanson dont les paroles sont belles ? Florent Vintrinier. Une chanson dont les paroles sont nazes ? Lara Fabian. Une chanson qui trotte dans la tête là tout de suite ? Les hommes que j'aime de La rue qui est à nous, parce que j'en ai parlé tout à l'heure et du coup je tape des pieds. D'accord. Thérèse, merci. Donc l'interview est terminée. Alors pour vous voir en concert, les prochains sont en septembre. Oui, là j'ai une pause d'un mois, je pars en vacances. Ah, en fin des vacances. Ouais, voilà. donc je vais, bah, c'est cool, je vais essayer d'écrire. Là, j'ai beaucoup de choses en cours et puis voilà, je vais essayer de travailler un petit peu. Enfin, non, je vais prendre des vacances en fait. Et je reviens fin septembre, à partir du 22, il y a des dates. Voilà, il faut aller voir sur le site internet www.lesitedethérèse.com, tout attaché. Sinon, vous pouvez chercher Thérèse sur Google, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de MySpace parce que je ne suis pas un objet dans une vitrine et je n'ai pas d'amis virtuels. Mais sur internet, tout est précisé. Donc voilà, c'est le meilleur moyen d'avoir les dates et de se procurer l'album qui n'est pas en rupture de stock. Thérèse, pour la suite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? De la réussite, beaucoup d'albums, encore plus de fans, l'Olympia peut-être ? De garder le plaisir de faire ce métier. Thérèse, merci. Et j'espère à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à vous. Vous pouvez retrouver la plupart de ces artistes sur leur site internet respectif. Pour Colin Malice, www.colinmalice.com ou sur MySpace, www.myspace.com/Colin Malice. Pour la famille Arbossens, www.lafamillearbossens.com. Et pour Thérèse, le site de thérèse.com.